Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Choc FM, Choc. Bonsoir en manchette cette semaine. On a des nouvelles d'Arabie Saoudite, de Russie et on va parler de télépathie aussi. Quand la cloche sonne, c'est qui donne 170%. Comme individu reçu au bal des neurones, on est des douteux que les amis affectionnent, tellement fait fort, du bon bon bon fort, chaton et doutons encore. Oh, oh, oh, oh. Pas question de réponse bidon, pas de nouilles, rien de méchant, pas de bêtises, pas de Jésus, les douteux tout à nu, tout nu. Quand la cloche sonne, un bon tout te donne. Est-ce qu'on s'est endormi depuis qu'on pense qu'on sait ce qu'on dit? Vive la vie, vive le vent, doute à 70%. Wow! Merci Étienne Forêt d'avoir découpé la nouvelle tune thème de l'émission. Hey, c'était tellement de travail. Ça n'a pas été facile. Je t'envoie ma facture. Bon, ben parfait. Faut dire qu'Edgar avait fait plus de 70% du travail. Quand même. Sinon, ben on a Bruno, bonjour. Bonjour. On a Jessica, bonjour. Salut. Toi, tu vas parler de quoi, Jessica, aujourd'hui? Du showbiz québécois et international. Du showbiz québécois et international. Parce qu'il y en a aussi ailleurs dans le monde. Ah ouais. Ok. Bon, paraît-il. Paraît-il qu'il y a du showbiz ailleurs. On vient d'entendre la voix de Simon Predge. Salut. Le leader des Amas de Monique, le band officiel de douteux.org. Oh non, non, non. Pas leader. On est tous égaux aux yeux de Monique. Tous égaux aux yeux de Monique. C'est tellement bon. Mais mettons, c'est lui qui est en avant. J'ai hâte de savoir c'est qui Monique. Qui est Monique? Qui est Monique? C'est une entité aussi. C'est un symbole. C'est mon ancienne belle-mère. On a tous une Monique dans notre vie, en fait. Ouais. Bah oui, ça, je l'ai trouvé. Puis toi, Forêt, y a-tu un nom spécial à ton spécial ben, écoute, de la journée? Aujourd'hui, on est lundi de Pâques. C'est une fin de semaine pascale. Oui. Donc, je joins l'inutile à l'agréable en faisant jouer de la musique religieuse puis en invitant le lapin de Pâques. Ah, je pensais que t'allais faire jouer des tunes interprétées ou qui parlaient de Pascal. J'avais pensé à ça, mais il y en a tellement pas beaucoup. Mais là, fais attention avec ton cierge pour pas mettre le feu partout dans le studio. Ouais, écoute, je vais faire attention. Mais là... Ah oui, on est très religieux. On a mis des couleurs pastel et puis on a mis des œufs en chocolat. Ben oui, ce qui fait dire à quel point on est pour le fait que Jésus nous revienne. Jésus est reviendu. Hey, moi, je vais mettre ici la première tune. Comment c'est ça? 2 pieds 9 de Fury. C'est Wang Wang, c'est le rap officiel. Je sais pas qui a fait ça. Je sais pas pourquoi. Mais c'est sur YouTube non plus. Bon, on va l'écouter puis on revient à 70% comment c'est ça comme fou. C'est éponyme. C'est aussi le film de la journée, bien sûr, Wang Wang, 2 pieds 9, un acteur philippin. On va aller écouter ça tantôt. Pour l'instant, c'est son rap. Là. Yeah. Ça va être de toute beauté. Bref. Trouble, those are your best. Put your weapon down slow. Keep your hands low down where he can see him. To put him up high, he's a tiny human being. Guaranteeing security to Filipino citizens. It's all the same thing to Wang Wang, guilty, innocent. He got his own style, he's got a cute little smile. In fact, one time he even got picked up by a pedophile. Kill that, he's skilled at the art of attack. He got a razor blade, had a little guy in a rocket pack. He doesn't like booze, so never pour him a shot of scotch. Just give him a coke and you won't get a pop in the crotch. these movies you love to watch, you know that they all sweet. Wang Wang is doing his dang thing under 3 feet. They say that he's whack, that he's weak, yeah, yo, you know what? They say that in the Philippines, and watch out for the bowl cut. We caught, cause you just finished the heist. Got through the SWAT, lots of cops, so you're thinking you nice. Mastermind, genius thief, you think you already own the title. From behind you hear the whine of a mini motorcycle. It roll up quick with 2'6" and trouble on top. He shoots a look, crooks get shook and you can feel your heart stop. The kind of man that can chill you right through to your soul. He shouts, pull over to the side of the road, I'm Interpol. Best oblige and subside, cause if not you're sure to die. Buy a bolt staff to the gonad, suicide in your eye. Try and flip the script, if he's outnumbered and underhanded, he's outstanding. He can jump the Grand Canyon and land in a mini bandit. Fighting for justice, he'll never lose. Finest barbers and tailors, he know he's always looking smooth. He'll take you out without a doubt. Boom, bitty, bang, bang. My advice to criminals is stay the fuck away from Wang Wang. Wang, Wang, Wang, Wang, 2'9". He'll kick you in the nutsack from behind. If you think Wang, Wang's coming soft to slack, never that, never that, never that. He's back on the scene as the man who just cash checks and have sex. He's seen your mama naked with his high-tech mod spec. Birds in hotel rooms never giving a shit. If he sees a naked bitch, best believe she get a tender kiss. After busting some heads, y'all could catch him at the disco. Rocking up skirts and clocking more thongs than Cisco. Staying alive is no jive when he dares. The women cry, they get hypnotized by his hips swinging side to side. These fake secret agents try to front, but they get played. Wang Wang can pierce Brosnan with a katana blade. Leave you in the hospital, your condition is critical. You're finished, bro. Even the doctor sounds a little cynical. You're such a little guy, though. Very petite, like a potato. Yeah, let's go. Yo, yeah, I tell you what. That Wang Wang, the stone face killer. I mean, criminals ain't got no shot against him. Why even try? I can't believe what happened. It's a boy. Hey. What happened? I can't believe it. Where did he come from? Whoa, pretty boy. Yeah. Aren't you a pretty boy? Handsome, too. Oh, yes. Yes. Et c'est parti. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Hey, c'est l'air, ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Hey, c'est l'air, ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Hey, c'est l'air, ça va, Max. Ça va. Ici, on est 70%, puis on aime ça. Dans une belle journée comme aujourd'hui, il faut écouter 70%. Et puis tu t'appelles? Quoutly. On se rappellera de nos invités de jadis. Oui. On a eu le rap spécial fait pour notre ami Yvon Pedneau qui avait dit une phrase de trop à un moment donné. Ouais. Contrairement à jadis, quand il disait jamais de phrase de trop. Alors que le micro étant accroché sur l'affaire dont il parlait était allumé. Ouais, voilà. Hey, moi, j'ai juste une petite nouvelle rapide. Là. On parle de Wang Wang, là, mais moi, j'ai un lien ici. Là. J'ai une nouvelle concernant Wing. Alors, Wang Wang et Wing font toutes les deux des très bonnes chansons. Oui. Puis Wing, elle a un nouveau disque qui s'en vient au mois de mai, puis il y a déjà des previews qui ont été relâchés comme ça, sauvagement, sur son MySpace. Eh oui, il paraît que c'est super fluide. La qualité fluide. De production. Ah, c'est incroyable. Regardez, ouais. J'ai même deux petits extraits ici. L'album va s'appeler ça. Beat It. Oh, c'est la meilleure des deux. Oh boy. Il va également y avoir sur ce même album la fameuse chanson Man in the Mirror. Donc, Man in the Mirror, dont j'ai aussi un mini extrait. Ah ben, Colin. Ça, c'est incroyable. Et on sait également qu'il va y avoir, mais là, j'ai pas l'extrait, malheureusement, mais il va également y avoir My Heart Will Go On et The Power of Love sur ce puissant album de Wing qui sera, selon moi, le meilleur de loin. Donc, le meilleur de l'année, ça arrive en mai. Le meilleur album de Wing. Le meilleur de tout. Ouais. Ceux qui ont pas le, qui veulent pas acheter cet album-là, là, arriver en ville puis aller l'acheter. Wing, Wing qui va venir, bien sûr, à la 5e édition de La Voix du Douteux dans le futur. Là. C'est sûr. C'est sûr. On nous souhaite. On est déjà pour parler. Bruno, nouvelle! Oui, d'accord. Alors, il y a un juge d'Arabie Saoudite qui a refusé d'annuler le mariage entre une jeune fille de 8 ans et un homme de 47 ans pour la deuxième fois. Mais pourquoi? Ah oui, le juge Sheikh Habib Al-Habib est resté sur son précédent verdict, indiquant que la jeune fille pourrait demander le divorce quand elle atteindra la puberté. La mère de la jeune fille, qui est séparée de son père, a demandé le divorce, mais n'est pas la gardienne légale de sa fille. Son père a arrangé le mariage avec son bon ami afin de régler ses dettes. Le mariage avec des enfants est un sujet chaud en Arabie Saoudite, mais selon le clergé qui a même mis sur les tribunaux et le gouvernement, il est acceptable de marier les filles dès l'âge de 10 ans. Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, le grand moufti du royaume, a affirmé qu'il est incorrect de dire qu'il n'est pas permis de marier une femme avant l'âge de 15 ans. Il ajoute qu'une jeune fille de 10 ou 12 ans peut être mariée. Ceux qui disent qu'elle est trop jeune ont tort et sont injustes envers elle. Ah oui. Lui enlève ses droits. C'est pas une donnée de crédit. Droits, exactement. Le mariage avec les enfants va à l'encontre des accords internationaux que le pays a signés. Oh ben là. Ça, c'est pas grave. Mêlez-vous de vos enfants. On va rester en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a aussi banni les plaques d'immatriculation qui arborent des lettres arabes qui, lorsque romanisées, deviennent des mots offensants. Les plaques arabes ont en général 3 caractères arabes et 3 chiffres, mais arabes. Mais certaines personnes choisissent délibérément des lettres arabes qui forment des mots comme sexe, as et not. En alphabet latin. Les autorités en charge de distribuer les plaques d'immatriculation ont publié une liste de 9 mots interdits et ont ordonné à toutes leurs branches de ne pas renouveler de telles plaques. La liste contient aussi les mots bot, bad, bar et le plus haut sur la liste, USA. Ah! Oh! Oui! Ben oui, hein? Ça, c'est offensant. Ah, on va y donner un traitement spécial, comme ça, le monde va l'oublier. Ben oui. C'est insultant. Ils sont cochons en Arabie Saoudite. Ils marient des petites filles de 10 ans, puis après ça. Non, mais en même temps, ils vont avec la loi naturelle, tu sais, un peu. T'sais. Une fille, une fois qu'elle est passée la puberté, normalement, elle devrait pouvoir s'accoupler. Ouais, après ça, toutes les règles qu'on met après, c'est des affaires de société. Là. Ouais, mais elle, c'est le contraire. Elle attend sa puberté pour avoir le droit de se divorcer. Elle peut avoir 8 ans, puis elle est super mature pour son âge. Là. Ouais, pas juger, c'est du cas par cas. Là, c'est particulier. De toute façon, tu peux toujours faire des exercices pour rester ferme. Ça, c'est vrai. Oui, OK. Oh, boy. Hey, Forêt, tu veux-tu nous commencer ça, toi? Ben, c'est certain. Ben, moi, écoute, j'avais prévu le lapin de Pâques, qui n'est pas encore arrivé, mais je vais faire jouer une toune appropriée. Peut-être que ça va l'attirer en studio. Hey! J'ai le Bunny Hop de Gilles Alain, qui nous a fait des paroles françaises sur le Bunny Hop, qui n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit. Évidemment. Ouais. C'est sur un beat un peu lapin. Là. Je suis fier de toi, mais dis-moi pourquoi tu ne danses pas le bonnet up. Je suis fier de et toi. Voilà. Oh, je crois que le lapin est en train d'arriver justement. Et là voilà. Salut lapin. Salut. Comment ça va? Très bien. Est-ce que t'as eu une grosse fin de semaine? Ouais, une assez grosse. Bon, écoute, moi j'ai plein de questions pour toi, là. Puis entre ça, je vais faire jouer une couple de chansons. Parce que j'espère que tu seras pas insulté si je mets des chansons religieuses. Non, non. Je sais que vous disputez un peu le prime time de Pâques, là, Jésus puis le lapin, là. Ouais, j'aime bien, mais tu verras. C'est bon. Premièrement, moi je voulais savoir, là, c'est-tu vraiment toi qui pond toutes les œufs en chocolat qu'on mange tout le temps? Non. Bon. C'est. J'ai plein de poules en chocolat vivantes. Puis c'est eux autres qui pondent les œufs? Ouais. Fait que les gens qui disent que le lapin pond, c'est n'importe quoi, là, ça. Non, c'est un petit peu comme le Père Noël, il lit, ça. Ah, ouais, c'est pas lui qui fait les. Ok, ouais, je comprends. Ouais, ah, c'est bon. Ça, ouais. C'est bon. Pis, ben, t'as-tu été content avec le Père Noël des fois? T'es... Ouais, on a des réunions, quelquefois. Ah. Travailler ensemble un peu, des fois. Ouais. Hein. Avec tous les personnages légendaires, des fois, on a des réunions. Ah, ouais. Comme okay. Jésus, puis Duro Max. Ils se font leur propre sommet. Là. C'est ça, la gang aussi. Des réunions générales. Forcément. Mais moi, j'ai peut-être une petite question pour le lapin. Là. Ben oui, vas-y. Quand est-ce que chocolat, Jésus, sa croix, lapin de couleur mauve, c'est devenu tout mélangé ensemble, ça? Peut-être. Ça fait longtemps, ça, quand même. Mais premièrement, c'était, ben, moi, on voit que t'es pas de couleur mauve. Là. Déjà, ça, c'est une fausse légende, une fausse rumeur. Ah, un petit peu décevant. Ouais. Ben, il est brun, hein? C'est ça. Je pense qu'il y a des affaires qui ont été beaucoup exagérées à ton sujet. Moi, j'ai ternu, je pense que je suis allergique au lapin. Ah non, ça va mal. Ça va être une longue émission. Ben, il y a le Bonnet Up encore. Bonnet Up qui joue, qui achève, tu vois, il reste 4 secondes. Et voilà. Ah, puis le lapin reste là, c'est bon. C'est... Oh, il va rester quand même un peu. Je vais faire chanter, je vais faire jouer plutôt une couple de chansons religieuses parce qu'il faut pas oublier quand même que Jésus est mort pour nos péchés puis il est ressuscité. Parce qu'évidemment, hein, quand on met une super de grosse roche devant la tombe d'une personne, une roche tellement grosse que personne ne serait capable de la bouger. Si on revient le lendemain pour le bouger, c'est clairement le cadavre qui l'a enlevé de là. C'est la seule explication possible. Donc, j'aimerais faire jouer les Poppies qui vont nous chanter ici « Ami Jésus ». Et on va voir qu'eux, ils prennent pour Jésus. Et ils prennent sa défense devant les gens comme moi qui disent des imbécilités. Go Jésus! C'est tous des enfants en plus. J'aime ça, les enfants qui chantent. Ami Jésus, je prends ta défense face à tous ceux qui se moquent de toi. Oh. En chantant des chansons qui t'offensent. Oh, comme Iron Maiden. Mais je pardonne à celui qui ne sait pas. Don't fuck with Jesus. Et quand on ne sait pas, on pense. Cause Jesus will fuck you. Back. Jesus will fuck you. Se forme d'un curé. Sous forme de chansons chantées par des enfants. Les Poppies, qui sont une évolution des petits chanteurs de je sais plus trop quoi d'autre avant, là, qui ont. C'est eux qui avaient popularisé la toune L'Oiseau avant que ce soit René Simard qui s'en empare. Et d'ailleurs, une autre personne qui a chanté la toune L'Oiseau et qui l'a très bien massacré, c'est Jérémy Gabriel, qui a aussi chanté plein de petites chansons religieuses. Il est même allé les chanter à Ben 16. Moi, j'aimerais juste dire que ça serait le fun si on revenait à Ben 10. Il était quand même pas mal plus cool que Ben 16. Mais en attendant, on se contente de ce qu'on a. Et Jérémy Gabriel nous a déjà chanté « Je louerai l'Éternel ». Parce qu'il n'y a peut-être pas le moyen de se l'acheter. Ben, c'est quand même chan. Là, ça va commencer. Là. Avec une option pour acheter, je suppose. Ouais, louer pour acheter. Sans rien. Ça va être... Arrête, hostie! Il y a vraiment rien là. Hein. Mais il commence aussi. Ah oh, ouais, puis celle-là, c'est, en fait, c'est une des tunes les moins pires, effectivement. Il reste dans son range, quand même. Mais c'est toi, tu penses que Wings était meilleur que ça? Ah, ben non. C'était bien meilleur. Moi, je pense que ça, c'est plus touchant que Wings. On sent qu'il y a de l'émotion, tu sais. Wings est un peu mécanique. Mais Jérémy, évidemment, faut y pardonner, parce que lui, il est sourd. Fait que s'il chante pas bien, il sait pas. Fait que il faudrait simplement qu'on y écrive une lettre pour l'en informer. Parce que quand le monde dit, il comprend pas non plus. Il y a aucun moyen de comprendre. Non, il faut vraiment y écrire puis expliquer c'est quoi. L'expédier. Ben, ils ont fait son deuxième album, le micro fermé, puis quand il l'écoute, il sait pas qu'il est pas en train de chanter. C'est ça. C'est un super bon album instrumental, en tout cas. Ouais, c'est du new wave. Mais dans son cœur, il se réalise. Ouais, c'est ça. C'est tout ce qui compte. Toi, Lapin, est-ce que t'écoutes des chansons de même pendant que tu distribues tes chocolats de Pâques? Non, pas vraiment. Non, non, c'est un peu déçu. Comment ça marche, la distribution d'œufs? Il me semble que le Père Noël, pas mal tout le monde reçoit la visite du Père Noël à Noël. Mais le lapin de Pâques, il y a beaucoup de monde qui ne reçoivent pas la visite du lapin. Comment tu procèdes? Mais ceux qui croient au lapin de Pâques, okay, ils en ont. OK. Si ceux qui viennent d'une autre religion, des affaires comme ça, ils n'en ont pas. Les affaires d'à côté. Les autres affaires, là. Non. Mais si tu crois en Jésus, mais pas au lapin de Pâques, qu'est-ce qui se passe? Tu penses qu'il n'y a pas de chocolat, c'est de lapin de Pâques? C'est tout bas, mais tu t'annonces avec des stigmates à Pâques plus que des chocolats. T'as droit au paradis, mais t'as pas de chocolat. T'as pas de chocolat. Mais si t'es un enfant méchant, mais que tu crois au lapin de Pâques, est-ce que t'as droit quand même d'avoir du chocolat, même si t'es méchant? Ouais. Mais t'en auras la moitié qu'elle. Oh, quand même. Okay. C'est bien fait, pareil. Ça, ça, oui. C'est un peu moins strict que le Père Noël, quand même, qui donne carrément rien quand t'es méchant. Ouais, j'avoue, hein, qui donne même pas d'indices. Tu sais, genre, si tu t'es planté, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour être meilleur? Non, le Père Noël, te dit pas, t'as été égoïste cette année. Non, non, non. C'est juste pour remplir son quota d'enfants méchants chaque année. Il n'y a pas le choix. Il y a une limite de cadeaux à donner. Puis si tout le monde est gentil une année, lui, il fait faillite. C'est mon prêt. J'ai des mots de sagesse. Mais j'espère juste que le gouvernement se mêlera pas là-dedans là, pour l'obésité là, des Canadiens. Ouais, j'ai régulé toutes ces affaires. Un coco par personne. Le fameux problème d'obésité des enfants gentils. Tu sais, mettons, tu crois au lapin de Pâques, mais tu crois pas au chocolat. Qu'est-ce qui arrive? Oh, je sais pas. Ah, c'est bizarre. Ouais, tu peux pas croire au chocolat. C'est ça. Moi je peux pas croire au chocolat. Moi. Toi, t'as pas le droit, il y en a partout. Tu vois là, c'est même pas une question. T'en as dans ta bouche, dis-moi pas que tu y crois pas. Sinon, les cloches de Pâques, c'est quoi ça? Les cloches de Pâques, c'est des cloches qui font dire aux poules en chocolat de faire fondre des œufs. Okay. Le plus d'œufs possible, okay, ou okay, d'arrêter dépendamment du okay son de la cloche. C'est ça qui okay contrôle la production des poules. Ah, ok, mais c'est bien pas fou. Ok, ben c'est là, tout est interrelié, on comprend. Ah, oui, c'est clair. On commence à catcher. Hein. Hey. Je vous mets une petite dernière chanson ben, là, en terminant ce bloc-là, là, parce que je suis heureux de ma découverte. L'autre jour, dans un Dollarama, j'ai découvert une série d'albums qui s'appelle The Funtime Bible Series. Je recommande particulièrement le volume 5 Heavenly Sunshine et puis quand je l'ai, je savais que ça allait être bon là, ça, sur la pochette il y a des enfants qui lisent la Bible sur, devant la plage avec un rayon de soleil divin qui descend. Ils donnent l'exemple aux adultes. Clairement. Et puis tout de suite c'était gage de succès ça, puis le fait que ça se vend une pièce dans un Dollarama. Mais quand je l'ai écouté, j'ai été super heureux parce que finalement c'est la même gang qui faisait les albums Méga Musique dans le temps des fêtes. Ah oui. Qui font maintenant de Fun Time Bible Series, donc je vais vous faire jouer Dans l'expérience. Oui, ils sont bons. Petite chanson ici, Who Did Swallow Jonah, donc That's What She Said, évidemment. Je vais voir ça, vous allez voir. C'est vraiment beau. C'était un gros poisson. Ouais, c'est un mammifère. Non, non, c'était un gros poisson. C'est ça qui est écrit. Hein? C'est pas joyeux, ça? Je pense qu'on va la laisser jouer au complet, mon gars. Écoute, moi, je suis lancé. On est à 70%. On écoute Who Did Swallow Jonas. Merci, Lapin de Pâques. Merci beaucoup, oui, Lapin de Pâques. Lapin. On s'en voit tantôt. patrouille 4 ninjas maintenant. Et les autres hommes de leur équipe, cette nuit. Mais les ninjas ne se battent jamais la nuit. On leur donnera des torches électriques. Yeah! On est de retour. Et on va faire des nouvelles, I guess. Joseph Lancelotti, 67 ans, jardinait devant sa maison de Metairie, en Louisiane, lorsqu'un homme s'est approché de lui en criant furieusement en espagnol. Il a alors attaqué Lancelotti, qui a tenté de se défendre avec son râteau de jardinage. L'étranger a alors mordu Lancelotti à l'avant-bras, arrachant un morceau de peau qu'il a ensuite mangé. Chantal Loriot, une voisine témoin de la scène, est alors allée aider l'homme. Les deux ont ensuite tenté de calmer l'étranger, qui n'a jamais tenté de se sauver et a été arrêté par la police. Quelques minutes plus tard, l'homme a été identifié comme un certain monsieur Vargas, qui était à l'hôpital quelques heures plus tôt afin de traiter une blessure au doigt. Moi, je trouve ça suspect. Je crains une épidémie de zombies. Ça s'en vient. Voilà. Ils vont pas croire que ça existe. J'ai fait ce lien, là, moi. C'est clairement ça, là. Je vais pas dire ça pour être d'autre. Mais Jésus, c'est un zombie, hein. I just did it. Si on se dit que. Dans la définition, c'est un mort vivant. C'est un très, très communiste aussi. Fait que il y a tout pour être un zombie. Un bon zombie. Si on épiche l'eau bénite, est-ce qu'il brûle? Ça c'est les vampires. On essaiera l'année prochaine. Ça serait weird. Hein? Non, mais si tu le tires dans la tête, il meurt par exemple. Okay. Avec une balle d'argent. Non, ça c'est les loups-garous. Non, ça c'est les vampires. Avec un doux. Donnez-y un coup, quelqu'un. je vais parler un petit peu de Wang Wang, pas longtemps, parce que je reviens du lac Saint-Jean, j'ai pas eu le temps d'écrire rien sur le géant, la boule de furie. C'est 2 pieds 9, c'est un Philippin, il est mort en 1992, il a eu le temps de faire une douzaine de films, selon un gars qui fait des recherches dessus, un Australien, là, qui a décidé de faire un documentaire, pis tout, là, Following Wang Wang, je pense, The Search For, puis il a réussi à retracer 12 films dans lesquels il était, puis en fait, son premier film, il jouait Bébé Moïse dans une reproduction très très philippine qui devait être pleine de qualité, des aventures, des avatars rocambolesques de Moïse. Les aventures de Moïse. C'est un de nos chrétiens préférés, lui qui a décidé de faire apparaître des serpents pour faire valoir son point, faire pleurer de la pluie et du feu. Il a séparé les eaux, puis il y avait le buisson ardent. Puis c'est une histoire touchante. Ouais. Il a dit à ses potes, checker, là, il y a un buisson en feu qui m'a donné 10 affaires qu'il faut pas faire. C'est ça. Puis là, les gens ont dit, ça a l'air, on devrait suivre ça. Là, juste comme il est revenu avec ça, là, ben, il y avait une vache en or, puis le monde, il dansait. Parce que c'est la figure d'autorité est partie, eux autres, ils se sont créés un autre dieu, ça n'a pas été long. C'est ça. Période troublée. Tout se tient jusque-là. L'important, c'est qu'à soir, on va avoir Wang Wang et puis des bouts assez incroyables. Wang Wang, qui j'ai appelé ça, c'est un long métrage à usage unique parce que la majorité des gadgets que Wang Wang, l'agent 00, utilise ne peuvent être utilisés que par lui. Tu sais, une petite moto, il n'y a personne qui va laisser, disons, son fils de 5 ans qui va avoir à cet âge-là la grandeur appropriée pour aller sur une moto japonaise de grandeur appropriée. Ben, il y a personne qui va laisser son fils aller se promener là-dessus. Il n'y a que Wang Wang qui peut se servir de la moto de Wang Wang. C'est assez fabuleux. Qu'est-ce que tu fais de Paul Cagelet? Ben, c'est qui ça? C'est notre nain. Notre nain. C'est notre nain à nous, le nôtre. On a un nain, nous autres, aussi. Il jouait dans l'épisode avec un grand A, avec la fille qui est amoureuse d'un nain. C'était lui qui jouait le nain. Ben, je m'en rappelle, il l'avait pas pire, en plus. Est-ce qu'il souffre de nanisme de type harmonieux comme Wang Wang? Je pense que non. Il y a comme une grosse tête puis des petites lèvres. C'est ça, parce qu'il y a une affaire de répartition de poids là, pour faire du bicycle. Je ne sais pas, il faudrait demander à Paul s'il est capable de chauffer le bicycle de Wang Wang. En attendant, comme hier, j'étais à Robertval, on était avec des nouveaux amis. Et puis, ben, je leur ai fait écouter. En fait, je les ai normandinisés. J'ai écouté la quatrième dimension d'un bout à l'autre avec 8 personnes qui ne l'avaient jamais vu. J'en ai ramené des visages terrorisés. Il y a ramené seulement 3 survivants sur les 8. Des gens qui se sont sentis grandis, changés, différents, c'est sûr, à cause de Roger. J'ai rappelé Roger aussi parce que je me suis dit, en revenant, peut-être que ça serait bien d'arrêter le voir, lui dire bonjour. Et puis je lui ai parlé au téléphone à Roger, notre sieur normandin. Et puis là, ça va pas bien avec Juste pour rire qui m'a dit. Ah non. Oh. Non, non, finalement, là, il essaye de faire de l'ingérence dans son processus créatif. Ouais. Et puis, s'il y a quelque chose qu'il faut pas, il arrive. Mais non. C'est bien de l'ingérence dans le processus créatif de Roger Normandin. Et puis là, ben, il a décidé d'arrêter de faire paraître son dernier film, qui est presque fini, puis d'attendre de finir son contrat avec Juste pour rire pour recommencer à faire ses activités. De son bord, hein, ouais. C'est ça. Donc, ça va mal entre Roger Normandin et Juste pour rire. Je suis absolument pas surpris. Roger étant lui-même un personnage unique et spécial. Oui. Je reste en contact avec le monsieur. Et puis, on va bien faire sûr de retourner le voir. Voyons, sapristi, avant longtemps. Jamal Normandin. Ouais, c'est ça, à peu près. Ici, on a Roger Normandin dans son film qui est retenu à l'Office national du film. C'est La chienne de vie. On va écouter 2 minutes 20. Roger fait son activité préférée. En fait, participe à son activité préférée. Il va moraliser, essayer de faire passer son point de vue. Écoutez, madame, ça n'a pas de bon sens. On écoute ça. Bon, mais Caroline, j'ai quelque chose à te dire. Là, écoute bien, Caroline. Là, ça doit faire peut-être un 5-6 mois qu'on est ensemble, Caroline. Et puis, tu étais supposé laisser ton mari à date, tu ne l'as pas laissé encore. Là, moi, j'ai pas l'intention de faire un ménage à toi plus longtemps. Là, tu vas te décider, c'est moi que tu vas choisir ou tu vas choisir ton mari. Écoute, Mario. Je ne sais plus si je l'aime encore, mon mari. Je l'aime un peu ou j'ai de la pitié pour lui. Il y a ma fille aussi, là. Sylvie. Une journée, elle veut que je perde. Une journée, elle veut pas. Ouais. C'est pas facile. Alors, si je m'en vais, ben. Je vais briser notre ménage avec moi et mon mari, mais. Tu vas leur en garde partagée. Elle comprend pas, elle, là. Je suis allé prendre les journées qu'elle veut. Écoute, bien. Mario, tu veux que je mette mon mari au courant que j'ai un amant? Je connais pas mon mari. C'est un violin. Un violin? C'est extrêmement violent. Très violent. Pas. C'est un violon. C'est un violet. Ok, c'est un violet. Il peut te tirer. Il peut vouloir te tirer, toi aussi. C'est quoi le qualificatif là, tu m'as dit? C'est un violet. Non, violet. Un violet. Un violet. Son ami. Je suis pas violet, je suis pas violet. Tu me casses pas la tête avec ça. Au départ, je veux que tu le mettes au courant que tu as un amant. Et puis, d'un autre côté, s'il l'apprend de toi-même, ça va passer mieux que s'il l'apprend de d'autres. Comprends-tu, okay. Là? Ouais, ouais. Puis, au départ. C'est l'argument, ça. Ton mari, tu me dis qu'il pourrait tirer, qu'il pourrait même me tirer. Mais ça, ça me fait pas peur du tout. Non. Au départ, moi, je ne suis pas un... Un humain? Je suis un pacifique. Okay. Je ne suis pas un agressif. Pas un violent. Je commence pas la chicane, mais je suis capable de la terminer. Oh. Ton mari, s'il vient qu'à vouloir venir me faire des mots, il m'en fera juste une fois des mots. Comprends-tu? Quoi? Des mots? Des mots? Des mots? Des mots? Des mots? Des mots? Il arrive en ville. Mais par contre, il m'a donné, il faut être sincère avec nous autres et avec les autres. Il faut que tu sois honnête avec toi-même. Puis l'aviser que tu as un chum. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Roger Normandin, donc. Super fluide. Toujours aussi fluide, ce Roger. Son message. Je pense qu'effectivement, toutes les madames qui ont un amant devraient prendre sur eux autres, se lever de bout. Puis aller voir leur mari, même s'ils ont une fille à la maison qui comprend pas. Mmh. Même si le mari est violent. Puis n'en parler. Écoute, là. Est-ce que tu crois que ça, toutes les madames qui ont un amant, ça inclut Monique? Bien sûr. Est-ce que toi, t'encourages Monique à aller parler du fait à non, mais Monique, c'est comme une coche au-dessus, c'est comme un demi-dieu, hein. Elle fait ce qu'elle veut, puis on n'a pas le droit d'argumenter. Puis quand on parle de Monique, les amants de Monique, on parle de Monique. On parle de Monique, c'est ça. On parle de Monique. Elle n'a pas de nom de famille, parce comme que Madonna. comme on disait plus tôt. Hercule ou Superman. C'est ça. On en a les tous un dans notre entourage, on a tous une Monique. Imagine Superman Beaulieu. Ça enlève de quoi. Superman Trépanier. Beau nom de Dieu. Ah, c'est ça, Bono. Monique reste Monique. Mm-hmm. C'est Monique. Sinon, là, Simon Préjean, c'est quoi l'aventure des amants de Monique? C'est quoi votre but, là? En as-tu ça, Pat? Un but? Avoir l'air niaiseux. Je pense que c'est ça. Ouais, mais en fait, c'est tout à l'honneur de Monique. On vénère Monique. Monique a des goûts très particuliers et on se doit de la nourrir en marde musicale. Comment vous arrivez à être niaiseux, justement, vu que c'est votre mandat un peu? Ben, je pense que dans notre cas, c'est assez facile. On peut rester nous-mêmes et ça sort bien. C'est naturel. On rajoute des costumes, des instruments de musique qu'on ne sait pas toujours comment utiliser. Ça ressemble à quoi vos costumes? Mais c'est pour ça qu'il faut venir au spectacle. Il faut aller voir le spectacle. En fait, on a un spectacle qui s'en vient, justement. Ça donne bien. Arrête donc, plug-nous ton affaire. Ouais. Jeudi, le 30 avril, ça va se passer au pub Saint-Cyboire. Puis en plus, c'est une collecte de fonds, ramasser des fonds pour un documentaire qui se fait en ce moment sur la frontière américaine et mexicaine. Oh! Ben oui, c'est un projet sérieux. Ça va être la fun. Pour un projet sérieux, on appelle les amants. C'est logique. Hein? C'est tout à fait logique. Mais pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que les amants de Monique, en fait, on fait des reprises de grands succès, soit kitsch, soit rétro, soit féco. C'est-à-dire des succès comme Philippe Lalanne, Normand Lamour, Fidèle Lachance, Philippe Lafontaine, Europe, Enya, Joël Denis, Claude Barzotti, Julien Clerc, Les Bébés, Nana Mouskouri, Inner Circle. Plein de belles surprises. Herbert Léonard, non, pas pour le prochain. Mais ils sont là, ça s'en vient. C'est infini, c'est un univers qui est infini. On est au courant. D'ailleurs, merci beaucoup, vous allez nous en faire une là. Là, OK. Ben ouais. Fidèle Lachance, ça vous tente-tu? Fidèle Lachance, un autre de grande sagesse. Un autre grand. Fidélité pour toi, qu'est-ce que ça veut dire, fidélité pour toi? C'est beaucoup pour les couples. Fidélité. Dans les groupes de travail. Ouais. En amitié. Dans les couples. Pour les couples aussi. Mmh. Ouais. Partout ce que tu entreprends. Je pense que c'est important aujourd'hui, en 1996. Fidèle à soi-même. Ouais, aujourd'hui, en 1996, la fidélité. Être fidèle à soi-même. En cette Saint-Valentin. C'est pour ça que c'est au-dessus de ma cassette, la fidélité. Fidélité. C'est là qu'il pleut souvent. La cassette qui a été très bien enregistrée d'ailleurs. On a les amants de Monique, là. Forcez-vous pas trop, vous êtes à 70%. C'est bon. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Ce grand mot veut dire beaucoup dans notre vie à deux. Il représente notre confiance envers l'autre conjoint qu'on a choisi. Devant Dieu et devant les hommes, nous avons promis fidélité. Oh yeah! Fidélité, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Être fidèle à celui que tu aimes. On a promis amour et fidélité toute notre vie. Mais ce n'est pas le cas pour plusieurs qui commettent l'infidélité. Sans se soucier du mal qu'ils feront toute leur vie. Fidélité, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Les gens ne pensent pas aux conséquences de ceci, aux enfants qu'ils laissent derrière eux, à la souffrance qu'ils leur font, la souffrance garderont toute leur vie. Fidélité, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, fidélité, partout que tu vas. Encore une fois, tout ensemble. Fidélité, fidélité, partout que tu sois. Fidélité, partout, fidèle, que tu vas. que ça fait. Merci, merci, c'est gentil d'avoir marqué. Merci, hey, ça c'est un beau projet de groupe. C'est ouais. sûr que s'il si reste encore de l'audition fidèle, les deux sont en train d'y chicoter. Sûr et certain, on va se lancer ici dans Magical Cow. On vient juste après. Look at him now, disappearing the cow. Where is the cow? Hidden right now. Taking a bow, it's Magical Trevor. Everybody's seen that the trick is clever. Look at him there with his leathery, leathery whip. It's made of magic and with a little flip. Yeah, yeah, yeah, the cow is back. Yeah, yeah, yeah, the cow is back. Back, back, back from his magical journey. Dimension. He saw beans, lots of beans, lots of beans, lots of beans, all beans, lots of beans, lots of beans, lots of beans, chick-a-poo. Aujourd'hui, je sens que les auditeurs vont m'aimer. En fait, parce que je sélectionne toujours d'une manière assez scientifique les meilleures nouvelles du showbiz pour vous, mesdames et messieurs. Alors, mes fiertés québécoises de cette semaine, en fait, de la semaine, c'est le nouvel album de Wilfred Leboutier. Faut le mentionner. En magasin, ouais. Le 14 avril prochain. On est quoi, là? Ben, c'est pas 13, demain. C'est demain, hey! Man. Wow. Hey, man, droit. Ça s'appelle Droit devant. Moi, je m'en vais faire la file. Et donc, c'est une chanson sur la pêche? Ben, non, y a une, je sais pas. Je droit sais pas. Devant, y a-tu mis demain, ça de côté? Demain. Mais il va faire un extrait de la pièce Jimmy Joue. Jimmy joue. Ah, eh ben, bon, voilà. Sinon, là, comme la joue ou comme le non, verbe jouer? La joue dans ta face. Ah, Jimmy joue. Genre, je te claque la joue. Okay. In your face, Jimmy. Oui. Ouais. Le 16e Festival international du blues de Tremblant du 10 au 19 juillet qui aura lieu toujours et encore a la joie d'accueillir le chanteur montréalais Jonas qui fera une apparition. Who did swallow Jonas? Ça vaut la peine de se déplacer. Il va amener tout son rock. Puis pas t-shirt. Il y a Kanye West qui devient l'associé de la compagnie québécoise de boissons énergétiques Gourou. Wow. Ah ouais. Et wow, un des associés, vrai. Raymond Jolicoeur. Ben Raymond, il a dit au Journal de Montréal que, il dit ceci, que nous ayons obtenu la confiance d'une telle vedette qui croit en nous est un encouragement incroyable. Voilà, Camille wow. et Raymond main dans la main vers ben un oui, futur plus le énergétique. Le West, c'est le joli cœur. Et dans l'univers, il se passe aussi des choses. Le groupe The Box Masters de Billy Bob Thornton a annulé sa tournée canadienne. Ben oui. On dit qu'un des membres a la grippe. Moi, je ne crois pas ça parce qu'on sait que Billy Bob a fait une entrevue récemment à CBC Radio. Puis, il a vraiment été fâché qu'on le présente comme un comédien. Il dit non, moi, j'aurais aimé ça qu'on parle de moi en tant que grand homme de carrière musicale et on l'a présenté comme un acteur. Il était insulté, vraiment. Il fait une crise de péginisme. Ben... Fait que là, il y a des... Allez, il va en ville, Jess. Puis là, le lendemain, alors qu'il se produisait avec son groupe au Canada, ben, il a été hué. T'sais, ben, fallait mentionner, c'est dommage, parce que le Boxmasters faisait la première partie de Willie Nelson. Ah oui? Bon. Quand même, c'est pas n'importe quoi. L'actrice... Tu amènes des gros dossiers. Oui, oui, non, mais c'est des dossiers chauds. Ah oui. Sarah Michelle Gellar, ça vous dit quelque chose? Ben oui. C'est pas la fille là, qui fait des affaires. Là. Elle en fait pas mal. Là, de ce temps-ci, elle va en faire moins parce que, ben, là, premièrement, elle est avec Freddie Prinze. Fait que j'imagine que c'est un premier boulet à sa vie. Puis deuxièmement, ben, elle est enceinte. Ah non, ça c'est du vrai Freddie boulet. Prinze? De Freddie Prinze. On le suppose, en tout cas. Et c'est une source proche du couple qui a confirmé la nouvelle au magazine People. Oh, ah, ils vont peut-être faire Freddie Prinze the third. The junior. Ouais. Ça equal the third. C'est et dernière petite nouvelle de showbiz, l'acteur Josh Hartnett a fait la fête malgré qu'il venait de passer quelques jours à l'hôpital à cause de problèmes très graves, des problèmes intestinaux. Mais pourtant, jeudi soir dernier, il s'est pointé sur scène avec un groupe local lors d'une fête au Delano Hotel à South Beach. La veille, l'acteur faisait aussi la fête, cette fois-ci au Château Marmont à Hollywood, où il réside. Donc, puis il fête jusqu'à tard la nuit, malgré ses problèmes intestinaux qui lui ont valu une visite à l'hôpital. Mmh. Puis il s'était coupé le pouce aussi, puis ils l'ont réattaché, puis il a fait un combat de pouce après. Josh! Est-ce que t'as un conseil à Josh Hartnett? Ben, non, parce que je fais la même chose, parce que c'est mon modèle. Je peux pas commencer à lui dire quoi faire. C'est ça. Mmh. Je me fie sur lui pour moi-même. Exact. Poser mes propres actions. Non, Josh, pense à Jessica. Ouais. Pense à moi. Pense à Jessica, Josh, puis mets pas une grande affaire plate sur une petite affaire ronde, parce que ça risque de tomber. C'est vrai. C'est un conseil qu'on peut donner à beaucoup de gens. Qu'on se le tienne pour dire. Ouais. Je pense que ça t'est dit. Le message est passé, en tout cas. Il y a des gens qui se reconnaissent. Surveillez. Restez à l'affût du showbiz. Là, la semaine prochaine, je vous ramène d'autres nouvelles importantes. Hey, puis, parlez de nouvelles puis, moi, ça, puis moi, ça m'intéresse vraiment ce que je vous dis. Là. Ah oui, on le sent. On le sent que tu es intéressé. Billy Bob Thornton, hué par ses fans canadiens. Je pense que c'est la honte de notre pays. Je pense qu'on devrait pas. On prend une minute de silence. Mais au moins, on a Kanye. Puis j'aime ça que le gars, il a dit que. Tu sais, il a pas dit qu'il croyait en le chèque qui était pour lui verser pour lui dire qu'il croit en sa boisson énergétique. Non. Il croit en sa boisson énergétique. Ben oui, c'est Kanye, c'est un génie. Il va pas. C'est un encouragement incroyable. Il lui ferait gratuitement si. S'il voulait pas de l'argent. C'est ça. C'est ça. Moi, j'aimerais rajouter à ces nouvelles artistiques que la semaine passée, je vous ai parlé des Rois de la Pop. Je vous avais dit qu'ils repassaient avec Pierre Marcotte toute la première saison. Ben, je m'étais trompé. Ils ont juste repassé le premier épisode de la première saison. Et dès samedi dernier, non, mais vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. Ils ont commencé une deuxième saison. Ça a commencé samedi. C'était à 16h30 finalement. Donc, ils nous ont remis dans le bain. Il y a une nouvelle saison. Une nouvelle saison qui commence maintenant. Qui a commencé déjà. Là, on a un épisode de fête. Là, puis il y a une couple d'équipes qui s'affrontent pendant 20 semaines pour déterminer un nouveau Roi de la Pop. Mais toi, t'as tapé ça. Là. Ouais, tu regardes ça puis tu nous reviens la semaine prochaine. Aussi Pierre Marcotte à TQS, gros mandat qui est en ce moment en train de jouer dans l'émission C'est une joke à TQS qui a l'air tellement drôle. Depuis 15 minutes, c'est commencé. On aurait dû y aller. On aurait dû. En tout cas, moi, j'enregistre tout en attendant. Excellent. On sera pas là, mais on va pouvoir faire semblant qu'on y est. Bon, ben sinon, tu vas nous ramener dans ton univers. Merci beaucoup, Jessica. Ah, merci. Jessica Lassalle. Je retourne à Bollywood. Ouais, notre spécialiste des choses que personne d'autre a envie d'étudier. Alors, je vous ramène dans mon monde, mais d'abord, puisque j'avais oublié au début, une petite pause. Après la pause, DJ George traverse l'enfer de la drogue à 70%. Le printemps est dans l'air, on le voit partout. Seuls les œufs fondants de Cadbury ont une épaisse coquille de chocolat au lait Cadbury. À l'intérieur, le jaune savoureux repose au centre d'un délicieux fondant blanc. Hâtez-vous, ils seront disponibles seulement jusqu'à Pâques. Donc, il n'y en a plus. Alors, toi, lapin de Pâques, quand tu vois une émission, une annonce comme ça, là, avec un lapin blanc, donc pas de ta couleur, qui dit qu'il pond des œufs Cadbury, là, est-ce que ça t'insulte que les gens répandent des fausses informations comme ça? Ben, pas vraiment, parce que je suis un petit peu une légende, si on veut, fait qu'on peut pas savoir, comme Dieu, on peut pas... Je veux dire, Jésus, on peut pas savoir c'est quoi sa couleur de peau. C'est vrai, Jésus était peut-être noir. C'est vrai, t'as raison. Puis toi, t'acceptes ça parce que bon, c'est normal, dans le fond, ça fait partie. Mulâtre, mi-japonais, mi-homosexuel. Un nain homosexuel. Fils de barbare. Prostitué avec le sida. C'est vrai. Ben là, maintenant, les autres ont perdu le contrôle, là. Hein? Là, on écoute la fin de Pâques. Mais là, en tout cas, ce qui est bien, c'est que maintenant que t'es passé ici à 70%, ça va rectifier ça. Les gens vont savoir enfin, puis ils vont arrêter de dire n'importe quoi. Mais pas tout le monde. Pas tout le monde, mais quand même beaucoup de monde. Ouais, il y en a 70% des personnes qui vont savoir. C'est déjà ça. Mais Jérémy ne saura jamais parce qu'il est sourd. Ah ouais, le titre de notre émission, c'est notre code d'écoute. C'est le même que ça. Mondial. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, parlant de gens qui disent n'importe quoi, j'ai une super belle chanson que j'adore, qui a vraiment beaucoup rapport avec la religion. Il s'agit de gens qui disent n'importe quoi. Il s'agit de Damien Roy qui nous chante « Le Seigneur est dans le moteur ». Voilà. Regardez, c'est sympathique. Ça commence cabane à sucre. Salut les érables qui nous écoutent. Moïse avec ses disciples, tout le monde se passait la pipe. Il s'en allait en autobus, puis il avait l'air des Cornélieux. Puis le moteur chante une chanson. Le Seigneur y est dans le moteur. Le Seigneur y est dans le moteur. Faut pas rire de ça, les déficients intellectuels qui font si le Seigneur est dans le moteur puis que tu t'équipes d'un speed demon, est-ce que ça s'annule? Ça s'annule. Ah. Tu te retrouves avec un moteur neutre. Ah, c'est bon. Mais le Seigneur, il est partout de toute façon. Fait que, à ce moment-là, voyant. Si c'est neutre, c'est dans les limbes. C'est ça. Tu te retrouves dans les limbes avec toutes les pépères. Non, ils ont été abolis. Désolé, mais le Vatican a aboli les limbes il y a moins d'un an. J'aimerais quand même porter un bémol à ceci en tant que porte-parole de Ben 16. Les limbes sont pas abolis. C'est juste que les enfants qui meurent avant d'être baptisés baptisés vont plus au limbe, ils vont au paradis. Mais les limbes sont encore là pour les autres. Puis il n'y a pas eu de loi grand-père de passer. Fait que tous les vieux bébés morts, et eux autres sont encore dans les limbes. C'est ça. Ils sont corrects. On va peut-être aller chercher à un moment donné. Éventuellement, il va falloir faire quelque chose. Tout le monde rentre à la maison. Alors, je vais passer à Alain Savereau qui nous parle ici de l'être ultime. Je voulais dire qu'il nous chante, mais c'est pas mais vrai. Pas tout à fait à moi. Elle m'est donnée. C'est la vie, on parle de la vie. Inspiré par William Shatner. Ce n'est pas moi qui vis. C'est l'être ultime qui est en moi. Je te comprends. Ce n'est pas toi qui vis. C'est l'être ultime qui est en toi. Et voilà. Alors, ceci étant dit, il nous a aussi déjà chanté cette magnifique chanson. Ça ressemblait à une trame sonore quand tu vois Planète, là, tout le planète. Au planétarium. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est le deuxième grand succès d'Alain Savereau. Ça s'appelle Pipipipi. Hey, Lapin, donne une bine à Étienne, s'il te plaît, de ma part. Oh! Hey, sac, hein? Un coup de patte de lapin, est-ce que ça porte chance? Pipipi, c'est sa tour! C'est un ça, peu ça moins qu'une patte, mais... Quand même. Donc, sinon, ben, il y a aussi le groupe Apologetics qui nous a chanté sur l'air de la Bamba. Il nous a chanté la Bible. Oh! Ça va remettre de la vie ici après Alain Savereau. Attention. Oh! Oh! Est-ce qu'il est inventant des paroles? Oui. Ben, il les a pas inventées. Il nous chante tous les livres de la Bible dans l'ordre. Fait que ça peut nous permettre de les apprendre. Oh, non. Ça, on est rendu au Deutéronome. Shooter de Javel, tout le monde? Non, merci, j'essaie d'arrêter. C'est ça, là, c'est de la méta puissante en extrêmement puissante. La méta cochonnerie religieuse, là, tu sais. Ouais. T'es blême un peu, Tommy. Bon, ça, c'est parce qu'il revient de la scène. De Robert Ball. Sinon, ben, y a les gens qui ont à peu près 40 ans et plus qui sont déjà, qui ont déjà eu leur première confirmation se rappelleront peut-être de ce grand succès « Je m'en vais à la fête » qui était le thème de la première communion à l'époque. On va prendre ce petit temps d'antenne-là pour remercier beaucoup le lapin, poser les dernières questions aussi. Oui, lapin, merci beaucoup d'être passé. C'est spécial la façon que t'apparais, hein, c'est la première fois qu'on voit ça. D'habitude, c'est un petit nuage de fumée, quelque chose, mais toi, t'es sorti d'un chapeau. Ouais, oui, évidemment. Mmh. Bonne affaire, bonne grand affaire. Est-ce que t'as des projets pour les semaines à venir, maintenant que Pâques est passé? Ben, maintenant, mes poules vont pouvoir prendre un petit break. Ouais, puis toi, de ton côté, tu t'en vas-tu en vacances quelque part, à Cuba, quelque chose? Mais moi, en fait, j'essaie de fabriquer les poules. OK, toi, tu fais les poules, puis les poules font les œufs. Ouais. C'est joli. Mais c'est le printemps les aussi, hein, la période de rut. Je pense qu'il y a... Peut-être qu'il y a le petit lapin. Est-ce que tu as une lapine de Pâques dans ta vie? Ça, j'essaie de m'en trouver une. Je suis allée sur Internet. Un site de rencontre. Sur Réseau Contact. Ouais. Ah, oui. Lapin Contact. Ouais. OK, ben écoute, le message est lancé, hein? Ben, de la lapine au show des amants de Monique, si tu veux. Je te donne pas des billets, mon lapin. Bon. Je veux dire le 30 avril, Pop Saint-Cyboire. Voilà. Puis sinon, ben, Simon Predge, toi, t'es quelqu'un qui s'occupe du festival de la bobine. Ouais, ben, considérant le temps très court qui nous reste, je reviendrai vous en jaser plus longuement, mais en gros, je vous invite fortement à nous envoyer vos courts-métrages, n'importe quoi, on prend tout, on va se taper ça en gang dans un gros party. Ça va se passer le dimanche, le 14 juin, au Pop Brouhaha. Mais si j'en parle si tôt, c'est parce que je veux que vous m'envoyez des films. Hey, toi, cinéaste, tu fais un film? Envoie-le-moi. Comment le on fait, site hein, web. Il y a un site web avec tous mes contacts pour m'envoyer tout ça. C'est le www.labobine.qc.cx. Sinon, il y a aussi un lien sur le site du douteux.org. Ah, c'est merveilleux. La voilà. Bobine, party de la bobine. On veut des films. Merci beaucoup, Simon Predge, les amants de Monique. C'était un plaisir. Étienne Forêt, est-ce que tu veux encore nous amener au monde de la souffrance audio ou... Ah, moi, je suis toujours partant pour vous amener là. Écoute, ben, moi, j'ai... Ça arrive tout, très des nouvelles, hein? Ouais. Bon, ben, passe à une autre, puis Bruno va nous faire ses dernières nouvelles là-dessus. C'est bon. OK. Alors, vous voulez rejoindre le plus de gens avec votre publicité? Il y a Brain Ads qui vous offre la chance de diffuser vos pubs directement dans la tête du consommateur. Selon le site internet, vous pourrez rejoindre des gens de n'importe quel fuseau horaire et dans n'importe quelle langue. Le site accepte PayPal et il en coûte 2000$ pour faire diffuser votre publicité. L'agence n'accepte par contre pas les publicités pour la pornographie, l'utilisation du tabac et de l'alcool et les campagnes politiques. Ils ont des scrupules quand même. Quand même. Voilà. C'est organisé par professeur Xavier, c'est ça? Par télépathie. Ben oui. C'est le chef des X-Men qui est en arrière de ça. Il finance les On continue. Pas de politique et pas de porno. Pas de, ouais, pas de politique, pas de porno par télépathie. Ça pas de Linda Lemay. Pas, ça passe pas, les ondes le prennent pas. Il y a un homme de Izhevsk, je sais pas si je le prononce comme faux, en Russie, qui se plaignait de douleur à la poitrine. Il toussait du sang, il s'est alors rendu à l'hôpital. Et après un rayon X qui a dévoilé une excroissance, les médecins ont performé une biopsie au poumon. Lors de l'opération, le chirurgien fut surpris de voir des aiguilles vertes sortir du poumon de son patient. Une branche de sapin de 5 cm a été retirée du poumon de l'homme. Comme il est impossible d'inhaler une branche de cette taille, il est probable que le patient ait aspiré un bourgeon qui aurait continué à grandir dans son poumon. Le morceau de poumon et le petit arbre ont été conservés pour fin d'étude. Ça a dû lui donner une haleine fraîche pendant des années. Wow. Sûrement. Hey, mais le gars, il envoie de la publicité par télépathie. C'est parce qu'ils ont fait des expériences sur lui. Vous pouvez aller sur le site, c'est brainads.com. C'est très facile, en un seul mot, brainads. .com, ils vont tous vous expliquer ça là, comment il s'est fait faire des tests par le gouvernement puis, Mais là t'es entends pas toi en ce moment, moi j'ai une publicité de la Parisienne là, moi des fois je me promène au centre d'achat là, puis là ben, je vois un produit puis je fais comme waouh, il me semble que ce serait le fun d'avoir ça. C'est parce qu'il me l'envoie dans la tête. C'est clair. C'est ça. Hey, merci beaucoup. C'était 70% de cette semaine. Moi je vous laisse avec un petit bout de Wang Wang. Je pèse play au hasard dans le film. DJ Georges, merci. C'est un plaisir. Je sais pas, tu t'enverras notre meilleur souvenir au lapin. Là. Si je vois une lapine, on va y présenter. C'est bon. Les amants de Monique, le 30 avril, au Brouhaha. Oh yeah. On va être là. Ouh, venez shaker vos petites fesses. C'est moi, je serai pas là. Qu'on va faire. En attendant, merci Jessica. Oui. Chance que t'es là, toi. Mais on va me rincer les yeux sur un nain. Oh oui, on s'en va écouter. Wang Wang au Brouhaha. C'était 70%. Merci beaucoup. As always,